Découverte. J'étais enfant. J'aimais les grands combats, les chevaliers et leur pesante armure, et tous les preux qui tombèrent là-bas pour racheter la sainte sépulture. L'anglais Richard faisait battre mon cœur, et je l'aimais quand après ses conquêtes il revenait et que son bras vainqueur avait coupé tout un collier de têtes. D'une beauté, je prenais les couleurs, une baguette était mon cimetière, puis je partais à la guerre des fleurs et des bourgeons dont je jonchais la terre. Je possédais au vent libre des cieux un banc de mousse où s'élevait mon trône. Je méprisais les rois ambitieux. Des rameaux verts, j'avais fait ma couronne. J'étais heureux et ravi. Mais un jour, je vis venir une jeune compagne. J'offris mon cœur, mon royaume et ma cour, et les châteaux que j'avais en Espagne. Elle s'assit sous les marronniers verts. Or je crus voir, tant je la trouvais belle, dans ses yeux bleus comme un autre univers, et je restais tout songeur auprès d'elle. Pourquoi laisser mon rêve et ma gaieté en regardant cette fillette blonde? Pourquoi Colomb fut-il si tourmenté quand dans la brume il entrevit un monde ?